Le coffret de voyage par Maurice Leblanc. Tous les amis de Madame de Horven s'étaient réunis autour d'elle pour fêter les 30 ans de cette gracieuse femme, aimée de tous, adorée de beaucoup, et qui savait répondre à l'affection et à l'amour par la même amitié douce et réconfortante. Ce jour-là, de tous les coins de Stockholm, chacun apporta son offrande, fleurs, bibelots, boîtes de friandises, dentelles, et chacun recevait, en remerciement, un sourire et une parole qui étaient les mêmes et qui semblaient à chacun la meilleure récompense. Mais un cadeau attira plus spécialement l'attention et rassembla tous les suffrages. Quand les papiers furent défaits et que l'objet apparut, l'âme de Horven rougit de plaisir. « Oh, Karl Andermatt » dit-elle à un grand Allemand, cuirassé dans sa redingote, la moustache en bataille, l'œil armé d'un monocle, « vous m'avez gâté !» Karl Andermatt, qui débutait à Stockholm comme représentant d'une maison de Hambourg et qui cherchait des appuis dans la haute société, protesta. « On doit faire l'impossible pour satisfaire Madame de Horven, et ceci est encore indigne d'elle. » C'était un coffret de voyage de la Restauration, en acajou, comme on en emportait alors au fond des vastes berlines, tout capitonné à l'intérieur de vieux cuir couleur de brique, et qui contenait, rangé avec un ordre parfait, les ustensiles les plus divers, timbales, miroirs, réchauds, tasses de vermeil, brosses d'ivoire, flacons, carnets à reliures précieuses, couteaux d'argent et 20 choses encore, amusantes et imprévues, que grâce à des mécanismes ingénieux, l'on découvrait cachées les unes sous les autres. « C'est délicieux !» murmura Madame de Horven extasiée. « Je n'ai jamais rien vu qui me plaise à ce point. Et quel travail ! C'est de l'art français dans ce qu'il a de plus séduisant. En vérité, Karl Andermatt, je ne sais comment vous remercier. » Instinctivement, tous les yeux se portèrent vers un jeune homme qui se tenait à l'écart, Georges Destour, attaché à la Légation de France, et qui était un des hôtes les plus assidus de la maison. Si, parfois, l'on eût pu démêler, dans l'attitude de Madame de Horven, dans le son de sa voix ou dans l'expression de son regard, une certaine préférence pour l'un de ses amis, c'eût été en faveur de ce garçon très simple, d'apparence un peu froide, dont le visage était balafré d'une cicatrice et dont la boutonnière s'ornait de la croix de guerre. « Destour, qu'en pensez-vous » dit-elle. « C'est bien de votre pays, n'est-ce pas ?» Destour avait été poussé au premier rang. On faisait cercle autour d'eux. Andermatt se raidissait, gonflé d'importance, la figure rouge. « C'est bien de mon pays, » prononça le jeune Français. Il prit une timbale qu'il examina, la remit dans son écrin de cuir, et il ajouta avec un accent où perçait quelque émotion. « Il est même rare que l'on trouve de ces coffrets chez les antiquaires. Les familles les gardent jalousement, comme des reliques du passé le plus intime. Pour ma part, je n'en ai jamais vu un seul qui fût à vendre. » « Celui-ci fut cependant vendu, » remarqua Madame de Horven, « puisque Karl Andermatt l'a acheté. » Georges Destour ne répondit pas. Distraitement, il faisait jouer différents ressorts, un homme habitué à ces sortes de secrets, et l'attitude qu'il gardait imposait autour de lui un silence plein de curiosité. À la fin, il se tourna vers l'Allemand. « Vous avez fait la guerre, monsieur ?» Les deux hommes s'étaient souvent rencontrés chez Madame de Horven. Toujours corrects, l'un envers l'autre, ils évitaient de se parler et autant que possible de se donner la main. Andermatt se mit à rire. « Parbleu, monsieur, comme un bon Allemand que je suis. 4 ans de guerre. » « En France, bien entendu, » appuya Andermatt. « Durant 4 années, j'ai fait la guerre en France. Dans le département de l'Aisne, un peu partout, mais aussi, en effet, dans le département de l'Aisne. Et vous avez peut-être cantonné aux environs de Laon ?» L'Allemand hésita, comme s'il se fût étonné de cet interrogatoire, puis il déclara. « Je crois me souvenir, en effet. Précisons, au château de Fressibor. » Cette fois, l'Allemand se cabra. « Que signifie cette question ? » demanda-t-il. « Oh, ma question est très naturelle, monsieur. Et si cela ne vous est pas désagréable d'y répondre, je vous en dirai aussitôt la raison. » Karl Andermatt haussa les épaules. « Désagréable ? Pourquoi ? Il y a aucun mal, je pense, avoir habité le château de Fressibor vers la fin de 1916 comme chef d'étape. Aucun mal. Alors j'espère que vous voudrez bien m'expliquer, monsieur. » Le ton des deux interlocuteurs devenait plus sec. L'allure plus hostile. Madame de Horven s'inquiéta. D'un regard, Destour la rassura. Il choisit une cigarette sur la table, l'alluma à la cigarette que Madame de Horven fumait elle-même et prononça calmement. C'est une toute petite histoire, comme il y en eut tant d'autres, et qui ne prend d'importance qu'en raison du hasard qui me met en face de monsieur, lors de la retraite allemande au début de 1917. Retraite stratégique, rectifia Andermatt en souriant. Lors de la retraite stratégique des Allemands, en 1917, reprit Destour, le château de Fraissibord, déjà résidence du service d'étape, servit également à l'état-major d'une division. Au moment de l'évacuation, tous les bâtiments furent arrosés de pétrole, livrés aux flammes et en outre démolis à coups de mine. On scia les arbres, on empoisonna les mares et les puits. Du village voisin, il ne resta pas pierre sur pierre. Nécessité stratégique, nota l'Allemand en levant les bras d'un air désolé. La veille de cet anéantissement, continua Destour, une autre nécessité stratégique avait fait réunir sur la pelouse principale tous les meubles et objets du château ayant une valeur quelconque, et tous les officiers présents avaient été amplement pourvus par le moyen d'une tombola gratuite qui tenait compte du grade et de l'influence individuelle. « Comme vous êtes bien renseigné, monsieur, » dit Karl Andermatt affectant la plaisanterie, « tout cela vous intéresse donc ?»« Beaucoup. Le château, ou plutôt les ruines de Fraissibord, m'appartiennent. »« Ah !» fit l'Allemand déconcerté. Autour d'eux, le silence devenait lourd d'angoisse. La situation était de celles qui ont toujours frappé l'imagination. Au-delà du mal accompli, les circonstances rapprochaient l'un de l'autre celui qui fit le mal et celui qui en souffrit. Que voulait Georges Destour maintenant? Profiterait-il de l'occasion pour se venger de l'adversaire? Madame de Horven, tout près de lui, balbutia. « Je vous en supplie. » Il l'apaisa d'un geste. Il était impressionnant de calme et nul signe de colère ou de rancune ne lui échappait. Il avançait vers un but que personne n'apercevait, mais auquel il semblait certain d'atteindre. « Fraissibord est un domaine de famille, » expliqua-t-il. « Ma mère y est retournée après s'en être sauvée en 1914. Complètement ruinée, elle habite chez un de nos anciens fermiers, qui a bien voulu la recueillir, et c'est par lui que nous avons pu reconstituer les scènes que je vous ai racontées, par lui que nous avons su l'enlèvement de nos meubles, de nos tapisseries, de nos pendules et celui de ce coffret. » Andermatt s'emporta. « Eh, monsieur, vous montrez une assurance? Enfin quoi, rien ne prouve que ce coffret vous appartenait. » « Si, monsieur. Les initiales gravées sur chaque objet, L.E.D. Louis Destour de Davrechamp. C'était le nom de mon arrière-grand-père et c'est le mien, comme l'atteste ma carte de visite. » Cette fois, Madame de Horven se récria. « Et vous croyez que je vais garder ce coffre? Mais je considère que c'est votre propriété, cher ami. » « Vous en ferez ce qu'il vous plaira, madame, mais qu'il vous soit donné par monsieur, par moi, il est à vous. »« À vous, madame !» s'exclama Karl Andermatt avec véhémence. « Ce fut ma part de butin. J'y avais droit, et nul ne peut me contester un titre de possession qui vaut bien les autres. » Le Français fit un pas vers lui, et avec beaucoup de courtoisie. « C'est une façon de voir. Est-ce que vraiment, en votre âme et conscience, vous estimez que ce soit la bonne ?»« Évidemment, monsieur. » dit Andermatt qui s'excitait, « cela ne se discute même pas. Cependant, si dans ce coffre, vous aviez trouvé, au lieu d'ustensiles de voyage, des valeurs. Tant pis, ou plutôt tant mieux, la guerre a ses lois, ce n'est pas moi qui les ai faites. » Et il ajouta en riant, par peur d'avoir été un peu loin dans l'affirmation de ses théories, « D'ailleurs, il n'y avait là que ceux qui s'y trouvent encore et dont j'ai fait présent à Madame de Horven, des objets de voyage et de coquetterie. » « Peut-être avez-vous mal cherché ?» prononça Destour. « Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire que ce petit meuble est d'une ébénisterie très curieuse, plein de surprises, et que vos recherches n'ont peut-être pas été suffisantes. » Andermatt s'impatienta. « Expliquez-vous, monsieur. » Le Français sourit. On le sentait de plus en plus maître de lui et des événements. Pas de querelle, pas de scandale, un joli dénouement commandé par les circonstances elles-mêmes. « Mes petites histoires ont l'air de vous intéresser, monsieur, » dit-il. « Celle-ci ne sera pas longue. Quelques mots seulement. » En 1914, ma mère dut s'enfuir devant l'invasion. Elle emporta son argenterie et ses bijoux, mais dans sa hâte, elle oublia un titre de rente qui composait toute notre fortune et dont elle ne se rappelait même pas le numéro. Elle ne savait qu'une chose, c'est qu'il était resté à sa place habituelle, c'est-à-dire dans ce coffre. Andermatt ricana. « Mauvaise cachette !» « Meilleur que vous ne croyez, je vous assure. »« Bon, tant de mains ont passé par là. »« Des mains ignorantes, » affirma Destour. « ce que nous appelons dans la famille le secret du testament, car la place était réservée au testament, constitue une cachette tout à fait inviolable, et je ne doute pas une seconde y retrouver le titre, si Madame de Horven m'autorise. Oh, Destour ! Puis Madame de Horven, qui attendait anxieusement ainsi que tous ses invités, ne perdez pas de temps, tout cela est à vous, et je serai si heureuse. Pardon, dit-il, je tiens à bien mettre les choses au point. Monsieur, n'est-ce pas, ne se croit plus le moindre droit sur ce coffret ou sur son contenu, puisqu'il en a fait présent. Certes, aucun droit, déclare Andermatt avec inquiétude. Ce qui est donné, je n'ai qu'une parole. Alors, cherchons. Le jeune homme ouvrit le coffret, changea la position des premiers objets, le referma, le mit à l'envers, pressa d'eux des encoignures de cuivre, et tout le plateau de dessous se déplaça dans son cadre, découvrant un autre plateau qui semblait glisser sur le premier comme une planche sur une autre. Entre les deux, il y avait une feuille de papier. Destour la déplia, c'était un titre de rente. Il y eut dans le salon une clameur de contentement. Madame de Horven avait les larmes aux yeux. Karl Andermatt, congestionné, le front couvert de sueur, serrait les poings. Très aimable, Destour lui montra la signature de sa mère inscrite au crayon rouge et il ajouta « Aucune erreur possible, n'est-ce pas, monsieur? Et mes prévisions étaient justes. Oh, ce n'est pas une bien grosse fortune. 24 000 francs de rente à 3%. Même pas 500 000 francs. Notons toutefois qu'au taux actuel du change, vous en auriez tiré plus de 2 millions de marques. » Il se tourna vers Madame de Horven. « Excusez-moi, chère madame, mais les banques ne sont pas encore fermées et j'ai le temps de faire expédier ceci à ma mère. Ce sera pour elle une telle joie que je ne veux pas tarder. » Il baisa la main de la jeune femme, s'inclina devant les autres personnes et sortit d'un pas allègre en décochant à Karl Andermatt un salut où s'exprimait toute la part qu'un galant homme prend à la peine d'un de ses semblables. Ainsi s'achève le coffret de voyage par Maurice Leblanc.